Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, le rendez-vous acousmatique du dimanche depuis les studios de CKRL à Québec, le 89.1 sur les ondes et ckrl.qc.ca sur le web. L'expérimentation et la création sonore d'aujourd'hui, tout comme la musique d'ailleurs, sont encore très inspirés par les sonorités qui nous entourent à la maison, à un carrefour routier ou bien en forêt. L'enregistreur et le micro à portée de main, on capte les sons pour en construire des paysages, des hymnes ou encore même des chansons. C'est un peu dans cet esprit que je vous propose ce soir des créations sonores récentes qui puisent sans compter aux sources de la captation sonore en direct. La sélection de ce soir est tirée du label Flaming Pines, un label axé sur l'enregistrement de terrain, l'art sonore et la musique ambiante expérimentale. Donc, au programme ce soir, des créations de Viv Cunningham, de Paula Garcia Stone, Von Goiva et Kate Carr. Et pour lancer la soirée sonore, on écoute une magnifique création de Kate Carr, artiste et animatrice du label Flaming Pines, l'extrait d'une pièce intitulée Falls Down, évocation superbe d'une forêt sonore peuplée d'alouettes, de hochets, de sacs de riz, de cliquetis d'insectes, de bouteilles d'eau et de jouets grinçants qui se réveillent après une longue soirée sombre. On écoute ça. Ah!

Alors, on vient d'entendre Kate Carr, une pièce intitulée False Dawn. Dans cette veine de la création sonore inspirée de la captation sur le terrain, je vous propose cette fois l'écoute d'un projet envoûtant réalisé par le duo finlandais Von Goiva, duo formé par le compositeur Eki Lindgren et le vidéaste Ville Westerlund. Intitulé Observatoire Jatuli, le projet s'inspire, dit-on, de contes folkloriques finlandais sur les géants. On y retrouve des enregistrements d'environnements océaniques, mêlant bourrasques et tourbillons. Lindgren et Westerlund parlent d'un voyage transformateur à travers les compositions, tour à tour terrifiantes, merveilleuses. Vous verrez, Jatuli est un vieux mot finlandais qui signifie « géant », racontent les auteurs. Il existe de vieilles formations rocheuses dans toute la Finlande qui sont appelées « jardins de géants », « Jatulin Tara », qui ont inspiré cet album réalisé alors qu'il s'abritait d'une tempête hivernale sur un petit bout d'île de la mer Baltique. Alors, on écoute un enchaînement de deux pièces de Von Goiva, « Alors que le monde s'effondrait », ce sera suivi de « Archives des récifs ». Voilà ce qui complète la première demi de l'émission, tour de parution inscrite au catalogue du label Flaming Pines qui a pignon sur rue au Royaume-Uni. Restez des nôtres, je vous reviens avec les créations récentes des artistes Viv Coringham et Paula Garcia Stone. En attendant, on poursuit ça brièvement avec Von Gova, tiré de cet album intitulé Observatoire Jatuli, la pièce Observatoire Jatuli. Vous écoutez La Croche-Oreille. Eh bien, on est de retour. Vous écoutez La Croche-Oreille depuis les studios de CKRL, le 89.1, sur les ondes et ckrl.qc.ca, sur la toile. Je vous rappelle que vous retrouverez la source ainsi que le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que les émissions archivées jusqu'à maintenant. Vous trouverez ça facilement sur la toile. J'entame avec vous la seconde demi de l'émission avec l'artiste sonore d'origine britannique Viv Coringham, une artiste qui s'active depuis la fin des années 70 et dont les œuvres comportent des balades sonores, des créations radiophoniques et des installations souvent multicanaux. Elle s'intéresse notamment à l'exploration du sentiment d'appartenance, à l'histoire et à la mémoire personnelle des gens. Le projet qu'elle nous propose ce soir, intitulé Football Tree, Shadow Walk, c'est un projet qui fait partie des projets collaboratifs qu'elle mène depuis une vingtaine d'années Alors, ces pièces intitulées Shadow Walks consistent à marcher avec des gens en divers lieux lors de leur promenade quotidienne. Elles répètent ensuite cette marche seules, en écoutant le souvenir de cette marche, puis en chantant sa réponse. Les Shadow Walks sont une tentative, dit-elle, de rendre les traces d'une personne, son ombre parfois. En ce qui concerne Football Tree, comme il était plus ou moins possible de marcher avec les gens en raison de la COVID, Vive Coringham a demandé à des volontaires de lui envoyer des enregistrements de promenades, soit des promenades dont il se souvenait, des promenades quotidiennes qu'il souhaitait pouvoir encore faire, ou encore des promenades qu'ils étaient encore capables de faire seuls. Cette édition spéciale de Footballs comprend la réponse de Coringham à 4 marches racontées pendant la pandémie, et on va écouter ce soir une d'entre elles, une marche à la maison réalisée par Rick Wilson, un gars du pays de Galles, et tout ça créé et interprété par Vive Coringham. It's Sunday, April the 5th. This is day 13 of the lockdown in the UK. And I'm in Llansillen, a village in the northeast of Powys, about 7 miles southeast of the town of Oswestry. This village straddles the border of England and Wales. It's been a movable border over the centuries, but we'll go very near it on our walk. And I'm standing in the churchyard of St. Sillin's Church, which is a 13th century church. And I'm about to do a circular walk. And when we come back here, I'll tell you an interesting, more recent story about the church. I'm walking with my dog, Malarkey. He's a 13-year-old Labrador collie. I'm getting a bit stiff in her back legs. Walking down School Lane, passing the old school, which has now been converted into a house. There is a new school elsewhere in the village. Beautiful early spring activity on trees and bushes and some of the gardens here as we move out of the village habitation. Loads of daffodils, of course. What I'm looking at half a mile in front of me is forest. Hills and sheep, lots of sheep. Marsh not so long ago. That was, of course, the waterfall. Further along the river here, evidence of winter destruction. A couple of large trees on the riverbank collapsed into the river. Notice local farmers have been here with chainsaws and are breaking it down. The water finds its way through as ever. Cliche, I know, but it's amazing how many different sounds you can hear just within one little stretch of river. Which was struck by lightning many years ago. Still standing, but it's a very strange shape. You can walk inside it and through it. I'm just going to do a short climb now, beginning to move away from the water. Connect with the next field that we want, and I can feel the sun a bit more now, and it feels good. To describe this, it would be a typical Welsh valley, looking very green. Loads of wildlife. Oh, pussycat. Cool customer. And when I say wildlife, I mean flowers. At this point, we hit the main road. In the south of the village. Tables outside various houses, selling home produce. I always like to support that sort of thing. The old Bethesda Chapel, built in 1852, just turned into a house about 8 years ago. Oh, here's a landmark. It's the local bus stop. And shelter. You get a bus from here on a Wednesday morning, takes you into Oswestry and brings you back early afternoon. Similarly on a Saturday. And that's it for local transport services. You need a car. Good food and ales available, but not right now. Back up to St. Cillin's Church. I suppose St. Cillin would qualify as a minor saint in the overall picture of sainthood. And just outside, there is a well. It's now a drinking fountain. It gets dressed as a well once a year. Local tradition carries on. By way of a coda, I'll finish this by telling you that last summer there was a benefit gig in this church to raise money for its restoration. It was a concert put on by a musician called Uli John Roth, who was a member of Germany's most famous hard rock band. It started in the 60s and I think they're still going in some form. He was a member of that band in the 70s, but he's a Lancelin resident, curiously. I think he lives somewhere else as well, but he's definitely not that I've seen him here, but I have a friend who's a piano tuner who's been in and tuned his piano and seen his so-called sky guitars. Because what Uli John Roth does very successfully, he tours the concert halls of the world with his guitars and pedals, playing electric guitar interpretations of Vivaldi and Bach and the like. And he's mega successful. And he played in this church last summer. The tickets were very expensive, but I didn't fancy it anyway. But I was curious enough to come down with Malarkey and stand amongst the old yew trees outside while the concert was going on, just to hear what I could hear. And I think 10 minutes was enough, and we walked on. But people who I know went were very satisfied customers. All a question of taste, innit? This is where we started, so this is where we'll finish. Alors, on vient d'entendre un segment des Shadow Walk de l'artiste Viv Coringham. Pour compléter la soirée, je vous propose une création de l'artiste Paula Garcia Stone. C'est une artiste visuelle et sonore anglo-hispanique. Phénomène plutôt exceptionnel, Paula Garcia Stone est hospitalisée de manière périodique depuis 1975 en raison du diabète et de ses complications. On comprend que sa condition physique et ses expériences du système médical sont au cœur de sa pratique. C'est vraiment intéressant. Elle est active dans le domaine des arts depuis plus de 30 ans et elle expérimente avec le son depuis le début des années 2000. Elle nous propose ce soir le fruit d'une longue attente alors qu'on la considère extrêmement vulnérable durant la pandémie. Incapable de quitter sa maison pendant les confinements de 2020, Elle traverse, dit-elle, une grande période de chagrin, de solitude et de frustration. Puisant son inspiration dans les paysages sonores de son quotidien, elle réalise ce projet intitulé « A Long Wait », une longue attente, avec des sons de tondeuses à gazon, du matériel médical, des insectes et son souffle, bien sûr, son propre souffle. « J'ai découvert, dit-elle, qu'en général, tous les gens de mon quartier arrivaient à se débrouiller en faisant du bricolage. C'est ce que j'ai fait sur le plan sonore, en espérant traduire le chagrin et la frustration qui m'habitait au rythme du temps qui passe. » Alors voilà, on écoute un extrait de cette pièce intitulée « A Long Wait » de Paula Garcia Stone. Voilà ce qui complète l'émission pour ce soir sur cette magnifique création sonore de l'artiste Paula Garcia Stone. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres. Kate Carr, Viv Coringham, Heikki Lindgren, Will Westerlund et Paula Garcia Stone, artistes que vous retrouverez notamment sur la plateforme Bandcamp au label Flaming Pines. Encore une fois, merci à Kate Carr qui nous a transmis tous les documents sonores. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL et sur le web pour une autre aventure sonore. Tout est dit pour ce soir. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you.